Moi je me prélasse, j'attends que le temps passe. Aucun souci, non, non, non, dans mon petit lit. Ne crois-tu pas que tu abuses? Ce n'est pas une vie de buse. Il faudra bien que tu décolles, que tu prennes ton envol. Bah, dis-lui toi. Ah oui, hein? Pourquoi voler quand on peut se reposer? Je préfère chanter, jouer du ukulélé. Eh oui, moi je l'ai fait des premiers les trois plumes. Dis-lui toi. Pourquoi se fatiguer? Faut en profiter. Pourquoi se fatiguer? Cette petite halte dans les îles a fait le plus grand bien à Tao. Avec ses lunettes et sa casquette tirée de son sac à dos, il a pu se reposer au soleil avec la buse. Cette dernière, d'ailleurs, est enchantée par cette nouvelle rencontre. Elle est même prête maintenant à quitter son nid douillet pour proposer à Tao de l'accompagner voir le monde depuis là-haut. Mais où irons-nous ? Ne t'inquiète pas, tu sais, moi, je préfère me laisser porter. Et on verra bien jusqu'où le vent nous mènera. Allez, monte donc sur mon dos. En route !